Pour toi, je ferai le tour des grenouilles, pour que jamais tes yeux se mouillent. Même si on me croit en douille, je demanderai l'aide aux citrouilles. Et sans la moindre trouille, je ferai face aux vilaines et jalouses sorcières, avec mon cœur en bandoulière, car de mon amour je suis fière. Pour toi, je ferai le tour des grenouilles, pour que jamais tes yeux se mouillent. Avec toi, la vie n'est plus en douille, le futur ne me fout même plus la trouille. Depuis que mon regard a vu ta bouille, je me sens chevalier, dont ton amour est devenu mon bouclier. S'il le faut, je me battrai contre le monde entier. Pour toi, je ferai le tour des grenouilles, pour que jamais tes yeux se mouillent. Nous ne craignons pas la rouille, car nous adorons les chatouilles, celles qui font mourir de rire les gargouilles. Le bonheur n'est pas coutumier, aussi écrivons notre histoire sur un beau cahier, que les enfants feuilleteront comme celui de vacanciers. Pour toi, je ferai le tour des grenouilles, pour que jamais tes yeux se mouillent. Pas très doué pour la tambouille, il est vrai, mais je me débrouille, au moins pour cuire des nouilles. Et puis, faute de ratatouille, nous nous ferons des papouilles. Avant d'aller ensemble faire le tour des grenouilles, dans la plus romantique des vadrouilles, sans crainte qu'on se mouille, puisque toi et moi, à la vie, on gazouille, dans un monde d'amour sans magouille. Quoique parfois nous sommes de gentils fripouilles, pour toi je ferai le tour des grenouilles, pour que jamais tes yeux se mouillent. Pour toi je ferai le tour des grenouilles, pour que jamais tes yeux se mouillent.